Aujourd'hui, on va parler BAD africain avec les principaux joueurs qui seront qualifiés pour les Jeux Olympiques. On va vous indiquer les joueurs à suivre. C'est dans cet épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Et pour cet épisode, je suis avec Benoît, comme d'habitude. Salut Benoît. Salut Ewan, salut Jacques, bonjour à tous. Et voilà, Benoît, un peu spoilé, mais une fois n'est pas coutume, on n'est pas deux mais trois, puisqu'on accueille Jacques Ohono avec nous pour cet épisode. Salut Jacques et merci d'être là. Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Alors aujourd'hui, donc on va parler des joueurs africains majeurs. Est-ce que Jacques, tu peux te présenter et présenter ton parcours dans le BAD, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Jacques Ohono, je suis camerounais. Je suis entraîneur de niveau 2 au niveau de la Fédération internationale. Et puis, voilà, je suis également passé ici en France où je suis entraîneur au niveau du Badminton Club Dijonais. Je travaille également avec l'AFB, l'Association francophone de badminton. Mais aussi, je suis en lien aussi étroit avec la Confédération. J'ai passé des diplômes en France, le DE d'ailleurs. Donc, voilà, un tout petit peu, j'ai été directeur technique national de badminton au Cameroun, directeur technique adjoint. Et puis voilà, je m'occupais des équipes nationales, jeunes, seniors. Voilà, c'est un peu ça, C'est un parcours. J'ai également fait un peu de compétition quand j'étais plus en forme physiquement, plus jeune. Des compétitions internationales au niveau du continent. Voilà, donc, je suis également professeur d'éducation physique et sportive. Voilà, il y a tellement à dire, mais bon, on va s'arrêter. Ouais, je pense que c'est complet. T'as bien fait le tour. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va regarder... On va parler Jeux Olympiques, puisque du coup, ils ont été déplacés à l'été 2021. Et Benoît, est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment la qualification fonctionne, puisque ce n'est pas forcément toujours les joueurs les mieux classés au niveau mondial qui vont aux Jeux Olympiques? Non, là, du coup, je vais évoquer un peu le cas du continent africain, et ça vaut aussi également pour les continents où les joueurs sont peut-être moins représentés par leur niveau. Dans le format actuel, du coup, il y aura au moins un joueur africain en simple dame et en simple homme. C'est le quota minimum auquel on peut ajouter un ou plusieurs invités, sachant que le Japon, du coup, qui est organisateur des Jeux Olympiques, possède 3 invitations pour le simple homme, 3 pour le simple dame. Si des joueurs africains du continent africain entrent dans les 38 joueurs qualifiables d'office grâce à leur classement dans le classement de qualification olympique, alors ils peuvent être plusieurs. Pour prendre un exemple, on a le joueur nigérian Opeyori qui est 92e du classement pour la qualification aux Jeux Olympiques. Il est en position de 38e qualifiable. Pour plusieurs raisons, devant lui, il y a beaucoup de joueurs qui ne peuvent pas être inscrits car le quota du CNO ou de la confédération dans laquelle ils sont, je pense par exemple à l'Asie, est dépassé. Parce que un pays, déjà, ne peut inscrire que 2 joueurs par pays s'il figure dans le top 16 mondial en simple et ses 2 paires dans le top 8 en double. Ce qui signifie que dans ce cas-là, le continent africain aurait 2 représentants en simple homme. Là, on parle de Opeyori et Paul le Mauritanien, le joueur de l'île Maurice dont on parlera plus tard. Mais voilà, si c'était pour faire un petit rappel de qui est qualifiable. J'espère que c'était assez clair. Oui, oui, bah pour résumer, en fait, il y a des quotas par continent, donc comme ça permet aux continents qui sont, voilà, un peu où les classements sont plus faibles d'envoyer des joueurs. Et en plus, comme tu l'as dit, il y a des pays qui peuvent pas envoyer plus de 2 joueurs, même s'ils ont beaucoup de joueurs qualifiables. Par exemple, au Danemark, en simple homme, Rasmus Gamke et Hans Christian Vitingus, ils sont top 40-30 mondial, mais ils vont pas pouvoir y aller, puisqu'il y a déjà 2 Danois devant eux. Jacques, avant d'aller dans le détail des joueurs, j'aimerais bien qu'on parle un peu du niveau en Afrique. Alors en plus, comme on parle d'Afrique, c'est un très grand continent avec beaucoup de pays et du coup autant de fédérations. Est-ce que tu peux nous présenter un peu quels sont les gros pays d'Afrique en badminton ? Mais vous faites bien de signifier que l'Afrique, c'est un très grand continent avec une grosse diversité sur le plan sportif. Il y a beaucoup de sports. Et vous voyez bien que le badminton, qui n'est pas forcément le sport numéro un, il faut bien que des joueurs essayent de démontrer leur talent pour sortir la tête un tout petit peu de tous les autres sports. Donc, alors, au niveau de l'Afrique, les gros pays, on va se dire que voilà, c'est Maurice, c'est le Nigeria, c'est l'Égypte, c'est l'Afrique du Sud, dans une moindre mesure, et en ce moment, l'Algérie aussi, qui commence à être une grosse pointure depuis quelques années. Donc, c'est un peu ces pays-là qui marquent un peu, qui donnent un peu le ton de ce qu'est le badminton africain au niveau de l'élite. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs joueurs de l'île Maurice. Comment est-ce que tu as une explication ? Parce que c'est vrai que c'est quand même une toute petite île. Il y a des pays africains qui sont 1000 fois plus grands et j'imagine avec plus de population. Comment ça se fait qu'ils arrivent à sortir des bons joueurs ? Mais tout ça, c'est historique. Hein. C'est le fait que, voilà, au niveau du badminton, la genèse, le badminton africain, il a été porté par des fédérations du Nigeria, de Maurice, et ces pays-là, ils ont l'Afrique du Sud aussi, voilà, c'est ces pays-là qui ont eu un peu cette culture anglo-saxonne, qui ont pu bénéficier, on va dire comme ça, des circonstances du moment. À l'époque, c'était ces Européens qui venaient, on va dire, faire un peu de tourisme ou d'autres choses, qui ont importer un peu le badminton, et du coup ça a commencé à se jouer là-bas et la culture a été ancrée et voilà, ça, de fil à aiguille, le sport a commencé à se mettre en place et voilà, ils ont eu les premières formations, les premiers tournois, et petit à petit les autres pays ont commencé à s'y mettre également, et c'est comme ça que l'engouement a été fait dans ces pays-là. C'est fait, j'allais dire, dans ces pays-là. Et voilà, ils ont gardé un tout petit peu l'élite. Mais je pense que, pour la question que tu me poses, comment se fait-il que des pays comme Maurice, avec une petite population, entre guillemets, arrivent à avoir des joueurs... Mais écoutez, tout dépend de la politique de développement de chaque pays. On va se dire que ça dépend fortement de comment on manage les sports dans les pays. Il y a des pays comme ça où... on essaye de mettre un tout petit peu les moyens dans chaque sport pour permettre à chaque athlète de se mouvoir, de s'épanouir. Et voilà, on fixe des objectifs et puis on se dit, ceux qui arrivent à atteindre les objectifs, on continuera de les soutenir et on développera également sur le plan local des infrastructures. On mettra les moyens qu'il faut pour encourager ces athlètes-là. Je pense que ça aussi, c'est important de le mentionner. Parce que le tout n'est pas d'avoir une grosse population, une grande population pour attendre forcément des joueurs tout de suite. Il faut également avoir une grosse politique, une bonne politique de développement du sport pour se dire que voilà, derrière, on pourra également avoir. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de pays africains qui tout doucement sont en train de bâtir leur empire, et je pense que voilà, ça commence à s'accrocher un tout petit peu, et on voit quand même des pays qui émergent en ce moment en Afrique, l'Égypte qui sort bien du lot, même si elle est quand même aussi dans ceux qui ont bâti un peu l'histoire du badminton africain. D'accord, bon, on va passer du coup aux joueurs, et c'est intéressant puisqu'on parlait de l'île Maurice, et là on va commencer par un joueur qui est issu de là-bas. C'est Georges Julien Paul. Il est 75e mondial en simple homme, mais du coup, il est actuellement 32e sur la liste des qualifiés pour les JO de Tokyo. Donc, sauf retournement de situation, il ira. Il a 24 ans. Il est champion d'Afrique en titre. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce joueur? C'est peut-être un joueur dont nos auditeurs ont entendu parler parce que c'est peut-être du coup avec Keïte Foukoun dont on parlera tout à l'heure, un des joueurs africains les plus connus du moment et 75e mondial, c'est quand même un beau classement. C'est quand même un très bon joueur international, donc voilà, je vais laisser Jacques en parler, mais effectivement, à part blessure ou retournement de situation improbable, il sera à Tokyo. Je pense que Julien Paul, c'est l'exemple même de celui qui a la rigueur. Je dis l'exemple, c'est pas pour dire que voilà, les autres ne sont pas à la hauteur, non. Je veux juste dire que c'est un garçon très acharné. Moi, j'ai eu l'occasion de les côtoyer à l'époque quand je jouais et même quand je suis passé entraîneur. On avait parfois, on se retrouvait dans la même poule. C'est un jeune très, très déterminé. C'est quelqu'un qui croit fortement en lui et qui a un gros potentiel. Et vous avez vu, il a encore 24 ans. Il est encore jeune. Il a tout le temps devant lui pour performer. Et je pense que champion d'Afrique qu'il est en ce moment, il a envie, tout comme... au Peori, il a vraiment envie de se qualifier pour ces Jeux Olympiques-là. Et je pense que son avance est, on va dire, voilà, il a une bonne avance. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer pour la suite parce qu'il n'est pas totalement à l'abri parce que, voilà, ils ont à peu près 5000 points d'écart. Mais vous savez que pour la qualif olympique, il faut prendre plein de points au passage. C'est vrai que la situation sanitaire en ce moment n'est pas propice pour que tout le monde puisse bouger. Maintenant, c'est ceux qui auront le bon tuyau, le bon timing et les bons choix de compétition qui forcément glaneront des points et les moyens aussi pour aller de pays en pays pour essayer de passer un ou deux tours parce que les niveaux sont assez élevés et les compétitions seront très disputées. Et je pense que oui, Julien Paul, il a une belle marge et je pense aussi qu'il peut très bien se qualifier, tout comme Peyori aussi. Ah ouais, bah tu fais bien de le dire. C'est vrai que pour la qualif olympique, c'est pas seulement une histoire de être le meilleur maintenant. C'est vrai qu'il y a un aspect financier qui rentre en jeu forcément, parce que les tournois, il faut aller les disputer et il faut être très très bon sur certains matchs, puisqu'il y a certains matchs qui sont décisifs pour gagner des points, et c'est les points qui peuvent faire la différence. Moi, Julien Paul, j'ai été un peu curieux, j'ai regardé son match au championnat du monde 2019. Bon, pas de chance pour lui, il a pris Anthony Ginting au premier tour, mais au final il perd 15-15, donc il est loin d'être ridicule, et son style de jeu est assez original. En fait, il est je trouve pas très très rapide, mais par contre il est vraiment très très puissant, et quand il se match ça envoie, quoi. C'est un joueur qui est assez intelligent, hein. On va dire qu'il s'adapte bien à la situation sur le terrain. Il arrive à trouver des solutions lorsqu'il est le plus en difficulté possible. Voyez-vous, lorsqu'il joue un joueur que surtout des duels en Afrique, que ce soit contre des Nigériens, que ce soit contre les Algériens, je vous ai dit, avec des joueurs comme Medel Sabri, qui joue à Bordeaux, là. Et lorsqu'ils se retrouvent souvent en compétition africaine, là, avec les Bellarbi, c'est vraiment des gros matchs. Et pour avoir vu une de ses finales au championnat d'Afrique en 2019, c'était en Algérie. Mais il avait un gros match contre, je crois que c'était même la finale contre Opeyori, où il a été sacré. Mais c'était déjà Opeyori, c'est un joueur très explosif. Julien Paul, à un moment donné, arrive à également à mettre un peu trop de vitesse dans son jeu. Mais à un moment donné, quand il se rend compte que voilà, il ne peut pas tenir, il arrive à varier tranquillement son jeu et à contenir l'adversaire. Et je pense que ça, c'est sur le plan mental, c'est quelque chose qui va beaucoup l'aider pour la suite de sa carrière. Maintenant, on espère qu'il va se qualifier. En prélude, là, tout à l'heure, on a parlé des méthodes de qualification. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en Afrique, pour se qualifier, c'est comme tu as dit, il faut pas forcément être le meilleur. C'est vrai qu'en simple homme, tout comme simple dame, il faut être le numéro un africain, mais il faut bien être dans le top 100. Voilà, c'est surtout la barre du top 100, il faut rester là-dedans pour être sûr. Là, il est classé pour ce qualif 32e. Voilà, et sur le ranking mondial, il est 75e. Donc, il faut maintenir la barre. Il faut maintenir vraiment le rythme pour ne pas s'éloigner trop de cette barre du top 100 pour pouvoir se qualifier. On va parler un peu du Nigérian Opeyori. Tu l'as déjà mentionné plusieurs fois. Lui, il est 38e sur la liste des qualifiés. Il est donc 92e au ranking mondial. Lui, il joue pas mal en double aussi. Il est aussi jeune. Il a 23 ans. Donc lui, si j'ai bien compris, il doit faire attention à pas sortir du top 100 pour pouvoir aller au jeu. Opeyori, il est à 92e en ce moment dans le ranking. Et puis, sous plan de la qualification, il est 38e. Donc, voilà, il a quand même un tout. Il est toujours dans le top 100, mais il va falloir qu'il cherche un peu plus, qu'il mette les moyens. D'ailleurs, je pense qu'il était venu il y a quelques mois au Danemark. Il était venu faire un stage au Danemark. Et voilà, avec l'appui de la Confédération africaine de badminton qui a un programme qu'on appelle Road de Tokyo. Ce programme-là, ça appuie, ils appuient les joueurs susceptibles de se qualifier aux Jeux Olympiques et on leur donne les moyens, on leur donne un peu de moyens pour pouvoir préparer les Jeux Olympiques et pouvoir se qualifier. Donc, c'est des privilèges comme ça que, quand je dis privilèges entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des apports comme ça qu'une confédération donne à des joueurs et à eux maintenant de savoir gérer. Et lui, il est venu faire un stage dernièrement. Julien Paul a l'habitude de venir faire, si vous avez remarqué, les masters de Paris, il était là d'Orléans, j'allais dire. Il était là l'année dernière, je pense, ou avant. Donc voilà, c'est des stratégies. On essaye de se frotter au meilleur. On essaye de se préparer au mieux pour être le plus compétitif possible. Et voilà, au priori, comme vous avez dit, c'est un Nigérian. Je rappelle qu'il y a quelques années, il n'était pas, comment on va dire ça, moi, je ne le connaissais pas, c'est quelqu'un qui a apparu comme ça, peut-être au Nigérian, on le connaissait mieux, parce qu'à l'époque, il y avait plutôt, quand on jouait encore, c'était Jim Kam, qui était numéro africain, il était très fort. Au priori, on ne le voyait pas. Il est apparu là il y a quelques années. Et là, il a pris le leadership au Nigeria. Il joue plus en simple homme, mais il est très habile également en double. Ça, c'est vrai aussi. Donc, voilà. Je pense qu'on verra comment ça va se passer. C'est deux jeunes super intéressants. Et j'aimerais bien les voir évoluer également en Europe un jour pour essayer de voir à quel niveau ils se situent. Mais je pense que c'est des garçons qui sont très intéressants. Et j'aime beaucoup parler des joueurs comme ça parce que, quelque part, ils nous apportent une certaine fierté par leur talent. Et c'est l'Afrique qui est gagnant d'avoir. On aimerait bien les avoir tous aux Jeux Olympiques, mais voilà, il y aura juste une place et ça va se jouer dans les prochains mois. On peut faire la transition vers le double homme, puisque Opeyori joue aussi en double, même si tu as dit que c'était plutôt un joueur de simple. Il joue avec Godwin Olofoa, et pour l'instant, il est qualifié en double, ils sont derniers qualifiés, parce que Benoît, est-ce que tu peux expliquer comment ça marche spécifiquement en double, ou c'est encore plus dur, j'ai envie de dire, qu'en simple? Oui, alors en double, du coup, il n'y a que 16 paires par tableau qui iront aux Jeux Olympiques, sachant que si un pays a deux paires dans le top 8 mondial, elle peut amener deux paires, mais si une paire est 9e mondiale, il n'y a que celle qui est dans le top 8 qui y va, donc ce qui veut dire qu'en fait, ça élimine beaucoup de paires en réalité, notamment asiatiques, voire même certaines paires européennes, et en fait, ce qui explique, en plus de ça, il y a une place par comité national olympique, par confédération, pardon, et du coup, ce qui explique que l'Afrique a une place en double homme. Jacques, tu me contredis si je dis une bêtise. Là, il devait être top 50 en plus. Donc, exactement, là c'est plus top 100. 44e, maintenant, leur boulot, c'est de ne pas sortir du... Est-ce que tu as quelque chose, Jacques, à rajouter sur cette paire de double homme? C'est également, comme je dis, hein, vous savez, l'état d'esprit dans le continent africain, c'est cet esprit guerrier là. On ne lâche rien, c'est jusqu'au bout. Le peu d'opportunités qu'on peut avoir celui-ci au sommet, on essaye d'en profiter au mieux. Et je pense que pour cette paire-là, on ne peut que leur souhaiter de s'accrocher jusqu'au bout. Ils sont 44e. Et ça va pas. Au niveau de l'Afrique, il faut être dans le top 50. Comme vous l'avez dit, c'est exactement ça. Il faut être dans le top 50. La paire de doubles qui sera dans le top 50 va se qualifier. Il n'y a que 16 places, donc il n'y a pas beaucoup de places. C'est très rude et c'est qu'une seule place aussi. Donc, ils sont 44e. Ça va être très difficile. Vraiment, ça va être très difficile. Mais voilà, sait-on jamais, on croise les doigts pour eux. Et je pense que c'est une bonne paire. Maintenant, ce sera du bonus s'ils se retrouvent au jeu. Hein. Nous, on serait toujours très heureux d'avoir autant d'Africains au niveau des Jeux Olympiques. C'est toujours super. Ouais, bah effectivement, bah après, eux, c'est vrai que 44e mondial, ça devient vraiment du gros niveau. Bah, pour donner un exemple simple, il n'y a aucune paire française à l'heure actuelle qui est meilleure que ça. Et quand on voit les paires qu'il y a autour d'eux, comme voilà, je vois les Écossais, par exemple, Don Hall ou des paires comme ça, c'est vrai que c'est vraiment du bon niveau. Benoît, est-ce que tu pourrais nous énoncer les paires qui sont derrière, les paires de double hommes africaines? Oui, bien sûr. Alors, on a parlé tout à l'heure de El Gamal, l'Égyptien qui a malheureusement qui était en Thaïlande et qui a été positif au Covid. Il est 55e mondial avec Salah. Donc, ils n'ont que 5000 points de retard sur les Nigériens. Et juste derrière eux, à 1000 points, il y a les Algériens Mameri et Medel. Donc c'est Jacques va peut-être nous en parler un tout petit peu après moi, mais c'est pour le coup il y a une vraie concurrence parce que les Égyptiens sont 55e, les Algériens 58e, ils sont aux portes du top 50, donc les Nigériens n'ont pas vraiment le droit à l'erreur, si je puis dire, et il va falloir être bon tactiquement comme Jacques le disait très bien tout à l'heure pour glaner des points jusqu'à la fin de la qualification olympique. Ce sera dans le management les ressources qu'on a, ce sera vraiment ce management-là qu'il faudra une bonne planification, tant au niveau des séances d'entraînement qu'ils auront, et des choix des compétitions surtout, les moyens qu'ils mettront, gérer également sur le plan physique, parce que ce ne sera pas le but de courir partout, juste pour courir, il faut faire des vrais choix stratégiques sur le plan compétitif pour se dire... voilà, là on va là, on revient, on repart de l'autre côté. Par contre, de l'autre côté, on n'a aucune chance, ça ne sert à rien de dépenser des sous là-bas, visons plutôt là-bas. Certes, il y aura très peu de compétitions, mais il va falloir faire le maximum déjà des compétitions. Ça, je pense que ce sera la meilleure stratégie pour eux. Et ça va se jouer jusqu'au bout. Mais voilà, si on arrive à avoir déjà une paire africaine qui se qualifie en double, on sera très content parce que je sais très bien que ça va être très compliqué. Ouais, même si Godwin et Opeyori sont 44e et que derrière on a Salah et Adam et puis Mameri et Medel. C'est pas forcément dit que on aura une paire. Hein. Je veux être positif, optimiste, j'allais dire. Mais il faut savoir que les autres paires européennes et asiatiques qui sont devant, ils ont peut-être plus de moyens des financiers pour bouger partout. Et après, il faut être réaliste sur le plan tactique et se dire que voilà. On va pas faire n'importe quoi, on va cibler les compétitions. Ça dépendra vraiment de la stratégie et des moyens qu'on va mettre. Mais voilà, tous ces jeunes-là, c'est des gars qui sont ambitieux. Il y a ceux qui travaillent peut-être plus que d'autres, ceux qui sont le plus déterminés, mais ça va se jouer vraiment au niveau des moyens financiers et puis sur la stratégie des compétitions à cibler pour aller chercher des points, parce que c'est les points qu'ils veulent en ce moment. On va passer donc au simple dames, où là aussi c'est le Nigeria qui se démarque, puisque pour l'instant la joueuse qualifiée s'appelle Ade Sokan, je pense que je prononce très mal les noms. Elle est 34e qualifiée, 67e mondiale, donc pour donner une idée, bah déjà à part Chichou Fay, elle est devant toutes les joueuses françaises encore là, elle a des places d'avance sur Marie Batomene. Elle est vice-championne championne d'Afrique. Jacques, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette joueuse? Et il faut déjà féliciter les fédérations comme le Nigeria, Maurice, l'Égypte et puis les autres. Et puis les jeunes aussi, le Bénin et les autres qui font beaucoup de travail. Vous savez, le continent africain n'a pas les mêmes capacités infrastructurelles, matérielles pour pouvoir encadrer des joueurs. En tout cas, comme je disais pour Opéori et les autres tout à l'heure, c'est des jeunes qu'on n'a pas forcément vu venir, mais qui étaient toujours dans les délégations lorsqu'ils allaient en compétition africaine. Elle était encore toute jeune quand on faisait nos tournois, mais elle ne gagnait forcément pas tous les matchs, mais on a su l'encadrer, on a su l'accompagner pour qu'elle arrive, qu'aujourd'hui elle soit leader. Voilà, il y avait des très belles joueuses. Voilà, c'est la formation à la base qui est importante. Et je pense que Dorcas, c'est une jeune, quand vous la voyez jouer, elle est très posée sur le terrain. C'est ce que moi j'admire chez elle. Et c'est son tempérament, ça ne donne pas l'impression, quand vous la voyez sur un court, vous n'avez pas l'impression d'avoir une guerrière, cette émotion qui est dégagée sur le terrain. Elle contient très bien ses émotions et elle ne laisse pas présager une certaine fébrilité à un moment donné. Et ça, c'est typique de ce qu'est Dorcas. Elle a un gros bagage technique, une palette de coups qu'elle sort. Elle n'a pas forcément la grosse vitesse. Dorcas Adesokan, ce qu'elle produit à son jeune âge, je rappelle qu'elle n'a que 22 ans et bientôt elle aura ses 23 ans cette année, et ce qu'elle produit comme jeu et performance sur le continent, c'est remarquable. C'est plusieurs titres comme ça qu'elle a glané durant ces 7 dernières années où elle a effectivement brillé sur la scène internationale. C'est une joueuse sur laquelle l'Afrique peut énormément compter pour faire valoir tout le bien qu'on puisse penser de ce continent-là. Et je pense effectivement que Dorcas a ce petit quelque chose qui ressort d'elle. Ce potentiel-là, elle est capable de le multiplier, de le transformer et effectivement de le capitaliser pour arriver à produire davantage de résultats sur la scène internationale. Et je pense que c'est effectivement logique pour elle de prétendre à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui arrivent. Elle est en pole position, mais je pense qu'elle peut très bien se qualifier. Et c'est comme je disais pour le simple homme. Chez les dames, c'est également le simple. Il faut être dans le top 100 pour se qualifier. Et c'est juste une place aussi. Alors, en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que tous les joueurs et joueuses dont on parle là, c'est des jeunes, quoi. Là, pareil, Dorcas, elle est de 98, elle a que 22 ans. En tout cas, c'est très positif pour ces pays-là, parce qu'ils savent que là, sur les 8-10 prochaines années, ils ont des joueurs, des bons joueurs, en fait. En fait, moi, je pense qu'avoir des jeunes comme ça sur le continent, c'est important. Mais pour moi, parce qu'en fait, quand on les voit évoluer sur la scène internationale, en Afrique, c'est toujours un peu compliqué pour eux parce qu'il manque du rythme, il manque de, comment on va dire ça, il manque ce complément qui n'y a pas forcément en Afrique, cette adversité-là, ce challenge-là. À l'Afrique, c'est pas beaucoup de compétitions, et quand bien même il y a des compétitions, c'est dans des pays un peu éloignés, et il faut beaucoup de moyens pour être partout. Et les fédérations n'ont pas forcément les capacités financières pour envoyer les jeunes partout. Donc, il faut qu'on pense à travailler là-dessus pour que, voilà, on donne la chance à ces jeunes-là pour que, à terme, ils gagnent plus d'expérience, maturité et l'expérience qui permettra que, voilà, on ne parte pas seulement aux Jeux Olympiques et dans les championnats du monde juste pour figurer, mais aussi pour challenger et essayer de passer des tours. On en a vu par le passé quand même Adia Hosni en Égypte qui avait passé un tour aux Jeux Olympiques. Et on aimerait en voir plus et peut-être bien plus après avoir des médaillés. Mais on n'en est pas là, on est encore loin de ça. Mais voilà, c'est des espoirs pour nous. Et je pense que Dorcas, elle a la place, il y a la place pour. Et voilà, on va lui souhaiter bonne chance aussi à elle, tout comme aux autres, pour qu'elle aille se qualifier pour ces Jeux. Benoît, est-ce que tu peux nous parler, Jacques a fait référence de Kate Foukoun, puisque elle, pendant longtemps, elle a été la meilleure joueuse du continent africain en simple dame, mais là, elle a annoncé récemment qu'elle arrêtait sa carrière. Oui, en fait, Kate Fukun, on la connaît, on la connaît en suivant le bad, mais vous aussi peut-être, parce qu'elle a joué à Issy-les-Moulineaux en France, elle s'est entraînée même en France pendant quelques temps, et puis c'était, il faut le dire, la joueuse africaine la plus en vue, la joueuse de l'île Maurice, qui en fait, juste avant les fêtes de Noël, elle a été bannie pour 2 ans par le TAS, donc le tribunal arbitral du sport, la plus haute instance. Du sport en fait, et suite à un contrôle positif à un stéroïde lors des championnats d'Afrique 2019, en fait, c'est-à-dire que ça remonte à plus d'un an et demi avant cette décision, mais elle avait été suspendue provisoirement par la BWF, la Fédération Internationale, qui était revenue sur sa décision, qui l'avait blanchie, avant de faire appel de sa propre décision devant le TAS. Situation assez rocambolesque ou en tout cas complexe, puisque la joueuse avait elle dénoncé un individu mal intentionné qui aurait mis quelque chose dans son eau lors de ses championnats d'Afrique, et finalement le TAS lui a conclu qu'elle n'était pas capable de prouver que cet individu avait pas empoisonné son eau, mais avait mis une substance illicite dedans, et effectivement elle a annoncé elle a pas annoncé clairement, mais elle a dit qu'il était temps de tourner la page avec le badminton suite à cette décision, donc elle était on pouvait potentiellement penser que c'est elle qui irait à Tokyo, et en fait ce sera pas le cas puisqu'elle a été suspendue. Jacques, je sais pas si tu veux en rajouter un mot, peut-être que tu connais mieux la situation que nous. Ce qu'il faut déjà pour fixer un tout petit peu le cadre de cette affaire, c'est que chaque année, l'Agence mondiale antidopage publie la liste des substances qui sont prohibées dans le sport. Et ça, ils publient ça dans toutes les fédérations, et au niveau de la Badminton World Federation, donc la fédération internationale, il y a une commission qui siège, une commission de l'AMA, dont l'Agence mondiale antidopage. Et elle est indépendante et elle fait son boulot. Ce qui veut dire que chaque année, une liste des produits et substances prohibées sont publiées et envoyées à chaque association, à chaque confédération, qui relaie également à chaque fédération nationale. Donc normalement, chaque pays doit être au courant de quelles sont les substances qui sont prohibées à ne pas consommer par les joueurs. Et ça, il faut prendre vraiment ça quand on est joueur de haut niveau, quand on a des grosses ambitions, on essaye d'être très prudent. Je pense que, voilà, il y a eu un peu négligent, je vais dire ça comme ça. Elle a été peut-être un tout petit peu négligente avec son staff. Elle a peut-être consommé quelque chose. On ne sait pas trop comment c'est arrivé. Toujours est-il que on l'a diagnostiqué là-dessus. C'est une joueuse que moi, personnellement, j'aimais beaucoup voir jouer. C'est une championne, une grande championne. Voilà, il y a eu une imprudence. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, elle est âgée de 28 ans. Et je ne sais pas si elle va revenir, parce que l'objectif, ouais, c'était les Jeux Olympiques. Là, on la suspend 2 ans, ça fait 30 ans. Elle devrait revenir à 30 ans. Je ne sais pas si elle aura la même motivation. Ce sera quoi le projet? Ça va être compliqué parce que derrière, il y a des Dorcas, il y a des Doani, il y a même des plus jeunes dans d'autres pays. Il y a des Linda en Algérie. Voilà, c'est un peu triste. C'est dommage. Mais t'as raison de le mentionner. C'est vrai que c'était une très bonne joueuse. On verra maintenant ce qu'elle fera dans 2 ans. On va passer au double dame, où là, on va le voir avec le double dame et le double mixte. C'est l'Égypte qui tient un peu, la baraque. Alors, il y a une bonne paire de double dames. Elles sont 38e mondiales. C'est Doha Hani et Hadia Hosni. Tu les as mentionnées tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont deux profils différents. On a Doha Hani qui a 23 ans, qui est top 100 en simple aussi. Et on a Hadia Hosni qui, elle, a 32 ans et qui, tu l'as dit, a déjà fait 2 Olympiades en simple. Elle a joué en 2008 et en 2012. Et donc c'est une ancienne joueuse de simple et une jeune joueuse, et ça marche bien puisqu'elles sont 38e mondiales et qualifiées pour les jeux, et on les voit même sur des tournois internationaux. Oui, bien sûr, c'est vraiment deux générations, on va dire ça comme ça. On a une grosse joueuse Adia, très sympathique dame aussi, sur le terrain, qui donne beaucoup de conseils aux jeunes. Il y a des moments où vous vous retrouvez en compétition et donne beaucoup de conseils à des jeunes joueuses. Parfois, elle ramène du matériel qu'elle partage à ses jeunes camarades d'autres pays. Je pense que c'est une joueuse qui a beaucoup de valeur, tant sur le plan humain, mais aussi sur le plan du caractère sportif même. Donc, ce double-là. Ouais, je pense que comme on l'a dit, la méthode de qualification pour les Jeux, c'est 16 places pour tous les doubles. Et il faut être dans le top 50 au niveau de l'Afrique pour se qualifier. Et là, elles sont 38e. Et je pense qu'elles sont focus sur leur projet. Ouais, là, elles sont allées en Thaïlande, là où elles sont encore pour les compétitions. Même s'il faut signaler que ce tournoi de Thaïlande n'est pas qualificatif, hein, ça ne rapporte pas des points pour la qualif olympique qui n'est pas encore ouverte. Elles sont certainement en train de se préparer pour l'intensité et régler un tout petit peu la paire et se dire que voilà, les prochains tournois, il faudrait qu'elles soient vraiment prêtes pour ne pas. En fait, je pense qu'elles n'ont pas pour le moment un challenger direct parce que même les Nigérianes Dorcas Adesokan et OK, n'ont pas encore la poigne pour les en empêcher. Elles ont leur destin en main, Doha et Adia, elles ont leur destin en main. Il faut travailler pour rester dans le top 50. Et je pense qu'elles sont bien parties. On va leur souhaiter de se qualifier parce que je vois mal Dorcas qui est actuellement en train de chercher sa place en simple. Venir comment on va dire ça, faire cette ébauche d'énergie pour essayer de se qualifier sur deux tableaux, ce serait pas raisonnable, ce serait pas objectif. Donc, je pense que voilà, la voie est ouverte pour Doha et Adia. Ils vont devoir juste se concentrer, éviter de se faire mal et engranger le maximum de points tout doucement pour rester dans le top 50. Et je pense qu'elles sont bien parties. Pour se qualifier pour ces jeux. Mais surtout, il faut bien choisir les tournois et essayer de donner le meilleur de soi parce que, comme vous savez, avec le Covid qui sévit, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'une vilaine surprise. Donc, je préfère qu'elle soit très sage, qu'elle choisisse bien les tournois, qu'elle se préserve bien. Et je pense qu'elle devrait pouvoir se qualifier 38. En ce moment, c'est pas mal. Et voilà, c'est deux jeunes, j'ai eu l'occasion de les rencontrer et c'est des amis. Voilà, c'est des belles personnes. Et je pense qu'elles pourront se qualifier. Mais en plus, Doha Hani, elle est qualifiée pour l'instant dans deux tableaux, puisqu'elle joue aussi en mixte. Et que pour l'instant, avec Adam Elgamal, ils sont 44e et du coup, ils sont la 15e paire qualifiée sur les 16. Donc, à l'âge qu'elle a, elle a 23 ans, ce serait quand même assez dingue pour elle si elle arrive à se maintenir dans le top 50 en mixte, d'aller au jeu et de jouer dans deux tableaux. Ben bien sûr, c'est toujours un plus, hein. Mais je pense que sur des tournois qualificatifs pour les Jeux Olympiques comme ça, il vaut mieux se focaliser sur un tableau où on est sûr de pouvoir le faire. Elle est certes, moi je pense que sur le double dame, elle est bien partie avec Adia, parce que Adia a une très grosse expérience de la scène internationale. D'ailleurs, Adia a fait des apparitions, je sais pas, elle a joué avec un club à Lille, je sais pas si c'est le LVA ou elle était dans les listes d'un club à Lille. D'ailleurs, je lui avais posé cette question à un moment donné, elle m'a dit oui, elle avait un contrat avec un club à Lille, je crois que c'était le Volant et Roi, je sais plus. Mais je pense que c'est une joueuse très bien, très très très forte, hein. Et avec Doha en compagnie de Adia en double dame, elles sont en train de faire leur bonhomme de chemin. Et d'ailleurs, elles sont bien parties. Maintenant, sur le double mix, ce serait vraiment fou que Doha aussi avec Adam arrive à aller chercher cette qualif. Ce serait bien pour Adam. Maintenant, il faut rester dans le top 50 encore une fois. Ça va pas être de plus évident, mais je pense que il faudra aller chercher les compétitions à l'étranger. Mais on sait très bien que voilà, il y a les Asiatiques qui se battent aussi pour ces places-là, il y a les Européens aussi. Ça va pas être facile à ce niveau parce qu'il faut beaucoup de moyens. Et puis Adam, avec le Corona et tout ça, il n'a pas pu prendre part au championnat de Thaïlande, là, à l'Open de Thaïlande, parce que diagnostiqué positif au Covid, ça fait qu'il n'a pas, il n'a pas repris le rythme un tout petit peu. C'est des éléments qui peuvent impacter un tout petit peu, non seulement mentalement, mais aussi sur le plan technique, la performance. Et voilà, on est en Afrique, on croit jusqu'au bout, on pense toujours que c'est possible jusqu'au bout et c'est bien d'être comme ça. Et je pense que Adam, il est très jeune, on a eu l'habitude de se rencontrer plusieurs fois. C'est un jeune qui est dans le programme Road to Tokyo, tout comme Doha. Ils ont envie de cette qualif, mais je pense qu'ils ont le temps. Ils ont le temps. Si ce n'est pas cette fois, ce sera peut-être pour une autre fois. Pourquoi pas Paris 2024? Je pense que ce serait bien. Mais maintenant, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On est sur 2 années qui sont très compliquées pour le monde sportif. Tout peut arriver. Momota qui a été diagnostiqué. Il y a tellement de choses qui peuvent impacter la suite de la qualif olympique. On le souhaite juste le meilleur. Ouais, t'as raison. Je précise juste avant de te donner la parole, Benoît, que effectivement, Adiosny, elle avait bien un contrat avec un club de Lille. Bah, c'est le LUC, le badminton Lille Métropole. Ouais, Benoît, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, je voulais parler de Adam El Gamal un peu. C'est vrai que Doha-Ani est quasiment sûr d'aller à Tokyo en double dame, mais Adam El Gamal, il est pas loin en simple, mais a priori il ira pas. Il est pas loin en double homme, mais ça va être compliqué a priori d'y aller. Ce serait quand même une belle récompense qu'il se qualifie en mixte, même si il est très jeune et on imagine qu'il sera encore dans la course pour Paris. Moi, je trouve que pour lui, pour l'avoir vu jouer une ou deux fois, ce serait quand même une récompense méritée d'être si proche sur trois tableaux, d'y aller au moins sur un aux Jeux Olympiques. Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais comme vous l'avez dit, c'est un 98, donc il a encore un petit peu le temps. Bien sûr. Benoît, est-ce que tu peux nous dire un mot des deux autres paires africaines qui sont derrière en mixte? Du coup, juste derrière, on a les Égyptiens encore Salah et Hosni. Donc, Adia Hosni, on en a parlé, hein, 2 Olympiades, bientôt 3. Ils ont quand même 6 000 points de retard au classement de la qualification olympique. Ils sont 59e, donc même pas dans le top 50. A priori, ça va être compliqué de détrôner. S'il y a une seule place, a priori, elle ira pour El Gamalani, même si rien n'est figé. Et juste derrière, enfin, juste derrière, à 13 000 points, pardon, donc c'est quand même quasiment la moitié de El Gamalani. On a les Algériens Mahmery Mazri qui sont 79e au classement mondial. Là, ça paraît quand même très très loin. Et c'est pour ça que s'il y a une place, a priori, pour le continent africain, elle semblerait promise à El Gamalani, s'il n'y a pas d'erreur de choix de stratégie ou de paramètres, malheureusement, qu'on ne contrôle pas. Jacques l'a dit pour le Covid ou blessure, évidemment, mais c'est évidemment pas ce qu'on leur souhaite. Ouais, un petit mot quand même de tu l'as cité, la Benoît, de Kossiel à Mamery. On le connaît un peu en France puisqu'il a joué à Oullins en top 12. Moi, je suis étonné de constater qu'il a que 21 ans. Je pensais qu'il était plus vieux. Je pense que, Jacques, qu'est-ce que tu en penses? À mes yeux, ça a l'air d'être un joueur prometteur en Algérie. Alors, la première fois que j'ai vu Mamery, c'était justement au championnat d'Afrique en Algérie en 2019. Il est grand de taille, c'est peut-être pour ça qu'on pense qu'il est un peu grand vieux. Non, c'est un jeune. Il est assez effacé. On n'a pas. C'est-à-dire, tu rentres dans un gymnase, tu ne le verras pas trop devant les gens. Il est toujours assis dans sa place au gymnase, il attend son tour. Quand on les convoque, il vient avec ses camarades. C'est sur le plan du jeu, c'est quelqu'un qui est assez fin. Et assez fin, techniquement, il fait pas. C'est pas celui qui va enchaîner des matchs, explosivité, non. Il peut faire quelques séquences d'attaque enchaînée, mais c'est quelqu'un qui a un jeu plutôt posé. Et en double, il écoute beaucoup. un double homme, je l'ai vu, je crois qu'il avait joué une fois avec un de ses camarades, je crois que c'était Belabi, je ne sais pas trop, sur, je crois que c'était au championnat d'Afrique, mais par équipe. Voilà. Donc, c'est un joueur, c'est un jeune joueur, il a aussi tout le temps devant lui. Et voilà, je pense qu'on avait joué l'Algérie, d'ailleurs, il nous avait battu. Et il avait joué contre un de mes jeunes garçons, Soudi, je pense. Voilà. Tout comme la petite Linda, qui est vraiment un gros espoir aussi pour l'Afrique. J'aime bien voir cette petite jouer aussi. Hein. C'est vraiment un talent à l'état pur et qui a, avec le staff technique qui les encadre très bien. Et je pense que lorsqu'on parle de l'Algérie, il faut aussi faire un clin d'œil à Nabil Asmari, qui apporte aussi beaucoup à cette équipe ici à Bordeaux, qui les encadre bien, qui leur donne beaucoup de conseils, qui les accompagne d'une manière ou d'une autre dans leur carrière. Je crois que si aujourd'hui l'Algérie est en train de progresser, c'est aussi grâce à Nabil, c'est aussi grâce à leur entraîneur, je pense qu'il est portugais, et aussi à tout le staff du badminton algérien sur place. Parce que il faut voir aussi, je le dis, parce que lorsqu'on voit une délégation à un tournoi, on voit comment ils sont managés, on comprend qu'il y a du sérieux. Et ce sérieux-là, ça impacte forcément sur les résultats qu'on voit de leurs joueurs, leurs performances. Et voilà, Kossier là, Mamery, c'est ce jeune-là qui aura un gros impact sur le badminton algérien dans les années à venir, tout comme la petite Linda. Aujourd'hui, ils sont loin de se qualifier pour les Jeux. Il faut pas se leurrer, c'est pas faisable. Et je pense que c'est juste une expérience en plus comme ça qu'ils sont en train de vivre. Tout comme on parlait tantôt de Adam, il vit sa vie, il vit sa carrière. Il est très très ambitieux. Ouais, un jeune qui se retrouve à son âge où il est en ce moment. Je pense que c'est l'image même de l'Afrique ambitieuse et l'Afrique conquérante qui se révèle là. Et je pense que voilà, on a plein de jeunes comme ça en Afrique qui rêvent. Il y en a tellement qui ont juste besoin de pouvoir se vendre mieux et se faire valoir. Et voilà, on ne sait jamais, comme on l'a dit. Il peut aussi avoir, on n'a pas parlé d'un retrait, il peut aussi avoir le retrait d'un joueur comme ça et puis qui donne la place à une deuxième place qualificative, peut-être en simple, en simple dame, en simple homme, en dehors des wildcards que la commission olympique envoie souvent à certaines fédérations. Il y a aussi cette possibilité de donner des wildcards. Donc, tout dépendra vraiment de la situation du moment et des performances des uns et des autres qui détermineront ceux qui arriveront à se qualifier. Bah là, on a donné pas mal de noms. Donc, je m'adresse à nos auditeurs. Vous avez pas mal de nouveaux joueurs à suivre si vous les connaissiez pas. On va terminer cet épisode puisque ça fait un moment qu'on parle. Même s'il y a effectivement il y a beaucoup à dire. Merci Jacques, en tout cas, d'être venu dans notre podcast. Ça nous fait très plaisir et c'était un épisode, je pense, très intéressant. Et merci à vous de m'avoir invité. Je pense qu'on aura d'autres podcasts pour parler toujours du badminton africain, parce qu'il y a tellement de belles choses en Afrique et il serait bien que le monde puisse retrouver l'Afrique sommet. Bah ouais, t'as tout à fait raison, moi je suis d'accord, et c'est vrai que on pourra faire d'autres épisodes sur le sujet. Et puis merci Benoît d'avoir fait ce podcast avec moi comme d'habitude et de l'avoir très bien préparé. Ben merci à toi Ewan, merci à toi Jacques d'être venu, et puis merci à vous pour votre écoute, et on espère à très vite. Voilà, donc en attendant, on se retrouve lundi prochain comme d'habitude pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不能。